Le monument à la direction sur place des grands hommes Bektessan, que brille à jamais le stade Kim Il-sung, est érigé au stade Kim Il-sung. Le service de dévoilement a eu lieu le 29 courant. Y ont pris part les cadres du ministère des Sports, les cadres intéressés et le personnel du stade. Les participants ont déposé les bouquets de fleurs devant la stèle commémorative. Le stade est empreint des hauts faits révolutionnaires du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il, de Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise, et du maréchal Kim Jong-un, qui ont consacré les efforts pour réunir aux sportifs et à la population les excellentes conditions de sport et de vie culturelle.